La terre est bleue de Paul Éluard. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours. Elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires, et quel vêtement d'indulgence à la croix toute nue. Les guêpes fleurissent vert, l'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres, des ailes couvrent les feuilles, tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Œil de sourd, faites mon portrait. Il se modifiera pour remplir tous les vides. Faites mon portrait sans bruit, seul le silence, à moins que, s'il, sauf, excepté, je ne vous entends pas. Il s'agit, il ne s'agit plus, je voudrais ressembler. Fâcheuse coïncidence, entre autres grandes affaires, sans fatigue, tête nouée aux mains de mon activité. L'amour, la poésie, 1929.